Alors donc le grand piège de l'évolution. On sait très bien qu'il y a énormément de pièges au niveau de l'évolution, au niveau de la vie. Il y a des pièges qui nous enlèvent la vie, il y a des pièges aussi qui nous enlèvent la conscience. C'est intéressant de vivre. Mais vivre sans la conscience, c'est très intéressant aussi. Parce que lorsque l'être humain n'a pas de conscience, lorsque l'être humain ne sait pas, il ne souffre pas. Plus l'être humain a une conscience, plus l'être humain sait, plus l'être humain souffre. Et c'est la platitude de l'évolution. Plus on sait de choses, plus notre ego, plus notre âme est insécure, incertain. Et à un moment donné de la conscientisation, à un moment donné de l'évolution, l'âme se rend compte que toute la conscientisation et que toute l'évolution travaille à sa destruction, la destruction de l'âme. Il y a dans chaque corps physique vivant, humain, un animateur, quelque chose qui anime le corps pour l'obliger à se déplacer, pour l'obliger à désirer, pour l'obliger à se rappeler, pour l'obliger à espérer et finalement pour l'obliger à souffrir, pour l'obliger à avoir des désirs et à vivre des désillusions, des déceptions, pour l'obliger à aimer et à voir perdre ce qu'il aime, pour l'obliger à espérer et finalement à se rendre compte que son espoir était inutile et vain. Et cette chose s'appelle l'âme. Il y a donc l'âme qui anime le corps physique de l'homme et qui permet à ce corps de vivre, d'avoir peur de la mort, même si la mort est finalement une transition vers une renaissance, d'avoir peur de la guerre, même s'il y a toujours eu des guerres, d'avoir peur de perdre ce qu'il aime, même si ce qu'il aime, de toute façon, va disparaître, il y a une âme. L'âme est la seule chose à l'intérieur de l'homme qui n'évolue pas. L'âme est la seule chose qui accumule de l'expérience et qui apprend des choses. Apprenant des choses, l'âme qui est identifiée dans un ego, une copie de Dieu, finit par s'illusionner qu'elle évolue parce qu'au lieu d'évoluer, elle apprend. L'âme ne sait pas qu'il y a une différence majeure entre comprendre une chose et apprendre une chose. On peut apprendre que la cigarette est nuisible, mais on peut l'apprendre sans le comprendre. Lorsqu'on le comprend, il y a des changements qui se font. La majorité des personnes, donc la majorité des âmes qui animent des corps sur la planète Terre, sont des phénomènes qui apprennent et n'ont pas suffisamment de laisser libre de contact avec leur esprit pour être capable de comprendre des choses. Alors l'âme ne comprend pas pourquoi elle vit tant de malheurs. Mais si on lui explique, elle peut l'apprendre. Elle ne comprend pas, mais elle peut l'apprendre. Étant donné que l'âme est un facteur qui apprend, mais qui ne comprend pas, parce que l'âme, ça n'évolue pas, ce n'est pas évolutif, c'est accumulatif. Alors on peut expliquer à un individu qu'un Dieu particulier l'a créé, et qu'il l'a créé en lui donnant un libre-arbitre. Et puis, quand il souffre, eh bien, c'est de sa faute. Quand il ne souffre pas, eh bien, c'est parce que c'est correct. Ou encore, Dieu veut le vérifier. Alors, Dieu le pique toute sa vie, lui donne la souffrance toute sa vie pour voir si, à la fin de 55 années de souffrance, pour voir s'il va encore aimer Dieu. Puis ceux qui vont encore aimer Dieu, bien, Dieu les prend dans son royaume. Le royaume de Dieu est rempli de caves. Maintenant, nécessairement, dans l'idéologie de l'âme, de l'évolution de l'âme, de l'évolution dite spirituelle, alors que spirituelle fait référence à esprit et non pas à l'âme, toute l'évolution spirituelle de la planète est une évolution attribuée à l'âme par l'âme. Le mot est tellement galvaudé que spirit, spiritualisme, spiritisme, contact avec les morts. Eh bien, c'est cela la spiritualité de l'âme, une spiritualité de mort. Un contact avec le monde de la mort. Lorsque je vois un esprit, c'est un fantôme, c'est pas un esprit, ça ne se voit pas. Mais on dit, j'ai vu un esprit. On dit, quelqu'un fait de l'esprit, il est drôle. La spiritualité aussi est drôle. On dit que la spiritualité, c'est tout ce qui fait référence à l'esprit, dans la spiritualité de l'ego, de l'âme. Et encore une fois, spiritisme, c'est le contact avec les morts. Quelqu'un fait du spiritisme, c'est un spirit. La spiritualité planétaire est une illusion, est un piège. Un piège majeur. Mais ce n'est pas le plus grand piège de la conscientisation ou de l'évolution. C'est un piège majeur. Où l'homme a pris toute la mécanicité qui permettait à son esprit de venir animer le corps physique et il l'a démoli, enligné pour que l'âme soit sauvée, pour que l'âme gagne le ciel, le monde de la mort, pas les cieux. L'esprit provient des cieux, l'âme va dans le monde de la mort. Et pour que finalement l'homme ne se réveille jamais. Alors, il y a donc différentes sortes de spiritualité. Quelle que soit la spiritualité sur la planète, quelle que soit la forme spirituelle, si elle est reliée à une tradition, nécessairement, c'est une spiritualité qui amène l'homme à rester un être mortel. Un homme qui reste un être humain rampant. Rampant devant ses dieux, rampant devant ses démons, rampant devant ses diables, rampant même devant les autres hommes, rampant devant les prêtres, rampant devant les gourous, rampant devant tous ceux-là. L'âme est quelque chose qui apprend. Apprenant, elle ne peut pas comprendre. Alors, même si ça fait 2000 ans que le Nazaréen a dit à l'être humain ce qu'il devait faire, l'âme ne peut pas l'appliquer. L'âme l'apprend. Elle l'apprend pourquoi? À quoi ça sert d'apprendre que nous devrions vivre en paix? À quoi ça sert d'apprendre que nous ne devrions pas être assujettis à la matière? À quoi ça sert d'apprendre des phrases comme « aimez-vous les uns les autres »? Ça sert à quoi? Bien, à vous faire souffrir. Ça sert à ça. L'âme, elle apprend, et apprenant, elle souffre. Elle ne peut pas comprendre, elle ne peut donc pas appliquer. Lorsque l'exemple qu'on a eu il y a quelque temps, lorsque le Canadien a gagné la Coupe Stanley, les bonnes âmes, les êtres de bonne volonté ont massacré la rue Sainte-Catherine. Ce n'étaient pas des bandits. Il n'y a pas de problème là. C'était des gens. Il y avait quelques manipulés de haut de gamme. Et le reste, c'était des êtres humains normaux, avec des âmes normales, et qui ont eu honte après, qui se sont sentis coupables après, qui ont regretté après, mais qui ont été manipulés pendant. L'âme apprend. Elle ne fait rien d'autre qu'apprendre. Apprenant, elle croit changer. Elle reste aussi colérique, aussi impatiente, aussi angoissée, aussi inquiète, aussi espoiritisée. Elle ne change pas. Alors, après des milliers d'années d'évolution amique de l'âme, l'homme n'a pas changé. La technologie a changé. Le cadre moral du monde de la mort a changé. Les dieux ont évolué avec l'homme. Les dieux de guerre et de vengeance sont devenus des dieux de paix et d'amour, et au nom desquels on peut encore se battre. Parce que Dieu non plus ne comprend rien. Il apprend. Il apprend à partir de l'homme. Le problème des dieux est un problème humain. Ils ont besoin des hommes pour se nourrir. L'être humain est un alimenteur de Dieu. Alors les dieux implantent des lois. La première loi, tu aimeras un seul Dieu. Les autres dieux, alimente-les pas, laisse-les mourir. La deuxième loi, tu devras porter la bonne nouvelle et convertir. Plus il y aura de monde pour me nourrir, plus je grandirai, je me sentirai puissant. Telle est la pensée de Dieu. Et l'homme qui a créé le Dieu à son image et à sa ressemblance passe sa vie à le nourrir. Le grand piège de l'évolution. L'esprit, quelque chose qui permet à l'homme de savoir instantanément ce qu'il a besoin de savoir. L'esprit qui fait que l'homme sait qu'il est là. Il a appris la mécanique. Il connaît la mécanique. Mais il sait qu'il est là. L'âme amène une connaissance, un apprentissage, de l'expérience. L'esprit amène un savoir instantané qui ne peut pas subir le temps de l'apprentissage. Un savoir instantané qui peut être mémorisé par l'ego, par l'âme. Donc, un savoir instantané qui bien souvent devient expérientiel, mémoriel. L'esprit, le peu d'esprit qui habite l'homme, est en continuelle lutte contre l'âme. Étant donné que l'âme est de la mémoire, elle a une faculté relativement morbide de mémoriser l'expérience de l'esprit, ce qui dans la conscience de l'homme n'est plus différenciable. L'homme, la conscience de l'homme ne sait plus si elle voit l'esprit ou si elle envoie la photo, la mémoire. Dernièrement, à travers un cours que je donnais pour permettre à des gens d'avoir un ajusteur de pensée conscient et de commencer leur fusion avec, les gens finissaient par arriver à une subtilité de vision très particulière où la pensée était totalement exclue de leur conscience L'âme est totalement extra-conscientisée. Ils restent, eux, très vivants, mais plus rien comme pensée, parce que la pensée est tributaire de l'âme, et la pensée est un grand manipulateur dans la conscience de l'homme. Les individus n'étaient plus capables de différencier s'ils étaient vides chez eux ou si c'est la mémoire du vide qu'ils voyaient. Et c'est ça la subtilité de l'évolution. L'esprit est en lutte contre l'âme, et l'âme veut garder sa place. L'âme, c'est l'échafaud qui a permis de construire la maison. Maintenant que la maison est suffisamment solide pour permettre au locataire de rentrer, les échafauds ne veulent pas sauter. Ils sont convaincus qu'ils font partie intégrale du plan de la maison, et ils sont convaincus que si on les élimine, la maison va tomber. C'est ce que l'âme pense. L'âme n'a pas le choix de vouloir penser ça. Parce que lorsque nous allons éliminer l'âme n'existera plus. Elle sera redevenue de l'énergie vitale. Exactement comme si on prenait le métal des échafauds pour le refaire fondre et en faire des portes. L'échafaud ne sera plus un échafaud. L'âme ne sera plus une âme. Mais le matériel qui constituait l'échafaud, on le garde. Le matériel, l'énergie qui constitue l'âme, deviendra un double éthérique. Alors que l'âme nous amène directement dans le monde de la mort, le double éthérique nous permet de supporter une mortalité physique sans gagner le monde de la mort avec notre âme. Donc, nous, au lieu de gagner le monde de la mort, lorsque l'être humain a suffisamment anégoïsé son âme, lorsque l'âme est suffisamment détruite, c'est-à-dire transformée en énergie vitale, l'homme, premièrement, n'est plus malade. Il ne souffre plus. Il n'a plus d'espoir inutile. Il est conséquentiel. Il aime de l'amour intelligent. Il a la paix chez lui. Alors, il a la paix partout. Et lorsque le corps physique, si ça donne que le corps physique n'est pas capable de le supporter, parce que le corps physique meurt, parce que trop siphonné par l'âme, lorsque l'homme n'a plus d'âme, le corps physique n'est plus siphonné. Si le corps physique n'a pas trop été usé avant, le dédoublement, la création du double éthérique. Lorsque le corps physique meurt, notre individu ne gagne pas le monde de la mort, il gagne son double éthérique, et il pourra se réincarner pour la première fois dans l'histoire de l'humanité d'une façon unitaire. La réincarnation se fait pluralitairement. Des milliers de parties mémorielles de conscience d'individus décédés s'unissent ensemble selon leur taux vibratoire et se réincarnent en gang dans un corps qui est en train de naître. D'où le fait que l'homme ne se rappelle jamais ce qu'il a été dans ses vies antérieures et d'où la problématique de la crise de l'adolescence lorsque l'être humain doit fusionner ses personnalités réincarnatives en un seul ego parce que sinon il est violent, colérique, pacifique, il s'ennuie, il se réveille, il vend, il fonce, il arrête. Il se lève, il capote, il recommence, s'endort. Il y a plusieurs personnalités qui se débattent pour gagner la conscience du corps. Lorsque l'être humain arrive à avoir un double éthérique et lorsque, si par hasard son corps physique meurt, lorsqu'il se réincarne, il sait qui il est. Le grand piège de l'évolution, c'est la nourriture de l'âme. L'âme veut être nourrie. Il y a deux lois fondamentales qui régissent les dieux comme les âmes, parce que sont de la même nature. Le dieu est simplement une âme planétaire, tellement grosse qu'elle englobe dans sa conscience des millions d'autres âmes plus petites, et c'est pourquoi ces petites âmes se mettent à genoux. Deux lois. La première, s'exprimer. La deuxième, se nourrir. S'exprimer, parce que dans l'expression de l'âme, l'âme découvre sa présence, elle découvre qu'elle est là, qu'elle vit, qu'elle existe. Dieu doit faire la même chose. Il s'exprime, s'exprimant dans l'homme, il voit l'effet créé, alors il dit « c'est moi ». Je pense, donc je suis. Si je ne pense pas, je ne suis pas. Je casse une fenêtre, donc je suis. Si je ne casse pas une fenêtre, je ne suis pas là. Si je ne fais rien, je ne suis pas là. Si je fais de quoi, je suis là. Alors pour savoir que je suis, je dois expérimenter ma trace, m'exprimer. L'individu qui n'a pas de matière à s'exprimer s'ennuie. Et se déprime rapidement. Il n'a pas de peinture à faire. Il n'a pas personne à qui gueuler. Il n'a pas personne à qui aimer. Il n'a pas d'automobile à peinturer. Il n'a pas de rue à réparer. Il n'a pas de maison à bâtir. Il n'a pas de but dans la vie. Il n'a pas rien pour s'exprimer. Alors, il s'ennuie. La zoothérapie, c'est quoi? Permettre à un être humain de s'exprimer. S'exprimant, l'âme voit ce qu'elle fait. Alors, l'âme continue à dire, « Crime, je suis là. » Et ça marche. Deuxièmement, se nourrir. Se nourrir, pourquoi? Pour ne pas oublier. Parce que la mémoire astrale, l'âme, elle a un gros défaut, c'est qu'elle continue son involution. elle continue sa descente, son refroidissement, et elle devient de l'énergie vitale. Tel est le chemin de l'âme. Mais l'âme le refuse. Alors, lorsque l'esprit pousse, l'âme devient de l'énergie vitale. Lorsque l'âme résiste, la seule façon de résister, c'est de se nourrir. Se nourrir, c'est quoi? Réalimenter ses mémoires. Réalimenter ses mémoires veut dire refaire les mêmes choses. Cela engendre toutes les habitudes connues à la surface de la planète, et cela engendre encore une fois l'idée que l'azothérapie peut marcher. Ton petit serin qu'on te donne, quand ça fera 6 mois qu'il sera dans sa cage, qui te réveillera le matin et qui te fera chioler, que tu ne vas pas t'exprimer, le serin devient expérimenté par l'ego. Il finit par créer une mémoire agglomérante qui prend suffisamment de place dans l'âme, et parce que le serin l'alimente régulièrement, l'ego ne peut pas mourir. La zoothérapie, très bon pour les personnes âgées, ceux qui sont relativement mortes du point de vue de l'âme et qu'on veut conserver au lieu de les faire évoluer. Lorsque l'âme manque d'alimentation, et le gros problème actuellement, d'ailleurs depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que l'âme manque d'alimentation. L'âme a été rebâtie par un mélange génétique réincarnatif de tellement de différentes sortes de races que nécessairement les constitutions pluralitaires de chacun des égaux de la partie nord de notre planète, on parlait du Québec surtout, sont continuellement à la recherche d'alimentation énergétique, donc d'expériences mémorielles qui pourra permettre de réveiller certaines parties de l'âme. Et à la longue, cette fusion pluralitaire dans l'ego finit par engendrer des êtres humains qui sont totalement insatisfaits de tout et qui s'ennuient à rien. Lorsque l'être humain se conscientise, cela veut dire qu'il entre en contact avec de l'instantané. L'instantané est totalement rébarbatif à tout ce qui est mémoriel. Le fait de mémoriser est instantané. Ce qui est mémorisé est la copie de quelque chose qui n'est plus là et qui va résister pour empêcher le neuf de venir. Alors va apparaître, dans la conscience évolutive de l'homme, je ne parle pas de la conscience illusoire de l'âme, mais dans la conscience évolutive de l'homme, une recherche. Une recherche de compréhension, pas juste une recherche d'apprentissage. Je ne veux plus juste apprendre, je veux comprendre. Lentement va naître le grand, grand piège de l'évolution. Celui qui anime toutes les sociétés de consommation, celui qui anime toutes les sociétés proches du contact avec l'intelligence supramentale, l'esprit. Et ce grand, mais ce majeur piège de l'évolution porte un mot, la distraction, se distraire, passer le temps. S'occuper. L'être humain n'est pas capable d'assumer sa solitude parce que dans sa solitude, il y a la mort de son âme. Dans la mort de son âme, il y a le contact avec l'intelligence. Et le contact avec l'intelligence dans la conscience corporelle d'un être humain est un grand danger pour toutes les forces astrales, pour le monde de la mort, pour le ciel, ainsi que pour tous les égrégores égoïsés par des dieux. Lorsque l'intelligence, lorsque l'esprit, lorsque le plan supramental arrive à neuroniquement animer l'homme, il fait de l'homme un maître contrôleur. Faisant de l'homme un maître contrôleur, l'homme ne peut plus être assujettissable à toutes les forces de manipulation planétaire. Donc, toutes les forces astrales, toutes les forces du monde de la mort, les forces célestes, vont s'unir pour obliger l'individu à refuser le contact. Et ce refus du contact, c'est la distraction. La distraction, collectivement, elle apparaît sous forme d'alcool, de drogue, de sexe et de musique. Ce sont les 4 grandes distractions majeures des peuples évolutifs, des peuples qui se conscientisent. La musique, qui a détruit des milliers et des centaines de milliers de jeunes qui peut-être aujourd'hui sont rendus plus âgés. Combien de temps de vie a été perdu par l'écoute de la musique? Ceux qui dansaient l'écoutaient aussi. L'alcool, qui est un grand facteur de refroidissement énergétique cérébral, il ralentit les réflexes, il ralentit l'assujettissement aux forces astrales au niveau manipulatif et il bloque totalement la possibilité de contact entre la conscience et le corps. La grande majorité des personnes évoluant dans un contexte nord planétaire sont alcooliques, prennent de l'alcool et en ont besoin pour vivre. L'alcoolique est celui qui a besoin d'un verre d'alcool, un verre de vin, un verre de bière, dans une habitude. La personne qui en prend une fois par semaine, mais qui ne peut pas se passer de ce verre une fois par semaine, est alcoolique. Et c'est d'ailleurs le grand problème des alcooliques, la majorité ne le savent pas qu'ils le sont. Premièrement, on pense que c'est un défaut. Ce n'est pas un défaut, c'est un problème. La musique, c'est la même chose. On doit au moins passer une heure par semaine à en écouter. Sinon, le sevrage est dur. C'est comme l'alcoolisme. Et c'est un grand problème. La drogue, même chose. Omnubile totalement la conscience. La marijuana, entre autres, ainsi que le hash, détruisent le corps astral, l'enveloppe périsprétique, ce qui permet à l'individu d'être de plus en plus manipulable, de plus en plus influençable, de plus en plus stressable. Et normalement, à la longue, il devient paranoïaque. On dit que la marie n'est pas plus dangereuse que l'alcool, c'est vrai. Les deux détruisent l'enveloppe périsprétique de l'âme. Et les deux finissent par détruire le cerveau. Les autres drogues peuvent emmener l'individu dans des voyages astrales extrêmement bas. Les mémoires expérimentées à ce niveau-là vont être tellement basses que lentement l'âme va être énergisée par des mémoires de vibrations basses, ce qui va empêcher l'âme de pouvoir grimper dans des sphères hautement spirituelles, lui permettant d'énergiser un plan mental qui seul pourra un jour entrer en contact avec un ajusteur de pensée, qui seul aura la faculté d'amener l'esprit dans le corps de l'homme. Le sexe. Le sexe, la femme en était libre. Parce que la femme veut être l'égale de l'homme, la seule façon de devenir l'égale d'un animal, c'est d'adopter tous ses défauts. La femme s'est mise à fumer, ce qui l'a terrestrifiée. Ce qui l'a grandé. On sait aujourd'hui statistiquement que le cancer du poumon chez la femme a augmenté énormément depuis qu'elle a commencé à fumer. Mais en même temps, la femme qui avait une intuition particulière le perd. Elle le perd dans la cigarette, elle le perd dans l'alcool, elle le perd dans l'habitude de l'animal mâle. Et la femme a décidé d'être sexuelle alors qu'elle ne l'a jamais été. Nécessairement, la femme décide d'avoir des relations sexuelles, elle n'en peut finir. Ce que toujours l'homme a fait. L'homme est bâti vitalement pour demander de l'énergie. La femme est bâtie vitalement pour en donner. Elle donnera naissance à des enfants et elle pourra les supporter. De ce fait, elle vivra plus longtemps parce qu'elle a plus d'énergie vitale, ce que l'homme a besoin. Interdisant le sexe à l'homme, la femme obligera l'homme à muter. Mais lui donnant toujours son sexe, la femme assujettit l'homme à rester un animal, un cochon. L'énergie vitale est l'énergie qui permet la mutation neurocérébrale. De la naissance à l'adolescence, l'enfant n'est pas procréateur. Toute l'énergie vitale, dont l'énergie sexuelle, celle qui donne la vie, est conservée de façon à terminer la programmation axonique entre les neurones, de façon à ce que l'enfant ait un cerveau suffisamment élaboré et un centre laryngé qui pourra parler pour permettre à l'intelligence dans le cerveau d'être exprimée. À l'instant où la programmation génétique est accomplie, l'enfant devient procréateur. Cela pour vous expliquer l'importance de l'énergie sexuelle. Plus on la gaspille, plus on se distrait, plus on retarde. Il y a une rose très belle. Une rose très belle sur laquelle tous les matins vous mettez le pied et vous vous plantez les épines dedans le pied. Vous haïssez les épines, mais vous aimez la fleur. Comment choisir? Au nom de l'amour astral, vous conservez la fleur, souffrant toute votre vie et mettant continuellement le pied dessus. Alors l'humain qui a de l'intellect, l'intellect c'est le mental assujetti par l'ego, va dire, Je vais lui faire une cage de fer. Je ne mettrai plus le pied dessus. » Il se dit, « Oui, mais si on peut contrôler la souffrance, entraîner par ce qu'on aime, on pourra juste garder ce qu'on aime. » Tous les matins, il ne met plus le pied sur la rose, mais il se frappe les orteils sur la cage de fer. Il dit, « Il y a quand même une amélioration. » Alors, à un moment donné, il déménage son lit ou il déménage la fleur. Mais lorsqu'il déménage la fleur ou le lit, il s'ennuie de la fleur. C'est arrivé que le joueur de hockey, tout le monde s'ennuyait de la fleur. Lentement, il se rapproche de la fleur et il recommence à se taper les pieds dessus. La solution, prendre la rose et la jeter. Mais là, les forces astrales ont un bon piège. Si tu prends la rose avec tes mains, elle va te piquer. Pour l'arracher, il faudra que tu la tiennes fort. Elle va te piquer encore plus fort. Mieux vaut souffrir un petit instant que de souffrir toute sa vie. Mais il y a deux souffrances dans l'arrachement de la rose. La souffrance des épines, arracher une peau, lâcher une habitude, changer de mode de vie, déménager, perdre des amis qui ne sont que des têteux. Il y a la souffrance des épines et il y a la souffrance nostalgique. La rose. Alors, si on est capable de supporter les épines, alors nous être capable de supporter le manque à gagner de l'âme, elle ne pourra plus s'alimenter, la rose ne sera plus là. Exactement comme un couple qui doit se séparer. Ils n'ont plus de vaisselle à se garocher. Chaque fois que l'un prend la porte d'en arrière, l'autre la porte d'en avant, ils arrêtent tous les deux sur le balcon et ils se disent, au nom des bons vieux jours, ça c'est la rose, la nostalgie. Là, ils ne savent plus. L'astral les manipule, ils se retournent les doigts en même temps. Et ils ont compris à quoi ils pensent à tous les deux. Puis là, ils se disent, ça fait 15 ans qu'on se tire des plats, mais rappelle-toi les trois premiers jours. Et puis, ils reviennent ensemble. D'un commun accord, ils vont s'acheter un autre vaisselier. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Mettons une cage de fer autour des épines. Achetons de la vaisselle en plastique. Ça règle le problème de la vaisselle. La cage règle le problème des épines, mais pas le problème de l'homme, pas le problème de la femme, pas le problème de l'enfant. Toute l'évolution amique, lorsque l'être humain se rapproche d'un contact supramental, d'un contact avec son esprit, est paramétrée par ce genre de phénomène, la distraction. On se distrait. Alors, imaginons maintenant qu'à travers la distraction, et c'est ce qui est arrivé sur la planète, tous ceux qui ont un potentiel génétique, ceux qui ont un corps physique capable de supporter de l'intelligence, on finit par faire de l'évolution un passe-temps. À travers le lot de passe-temps problématiques qu'il y avait, même la raison de la vie est devenue un passe-temps. On n'a pas juste ça à faire vivre. Il faut aussi se distraire. Il faut aussi réalimenter nos habitudes. Il faut aussi réalimenter les parties de l'ego qui nous créent des problèmes. Parce que c'est moi l'ego. À moi. Pas juste ça. Faire être en santé. Ma jambe est presque guérie. Crime. Amène-moi le marteau. Je suis bien que ma jambe cassée. Tout le monde vient me voir. On me fait des signatures, on me dessine des petites fesses sur le plâtre. C'est très intéressant. Alors, l'homme, il passe sa vie à tout faire pour oublier qu'il vit. Parce que dans la conscientisation réelle de la vie, il y a nécessairement la conscientisation réelle de la mort. Fuyant la mort, il fuit la vie. Fuyant la vie, il meurt déjà. Il anime le corps, mais il répète les choses du passé. Le neuf qu'il a voulu rechercher lorsqu'il était jeune, maintenant qu'il en a trouvé un peu, il le ressasse à jamais. Il se distrait. Alors, il écoute de la musique, et lentement, il en écoute un peu plus. Alors il va voir des films, alors il lit des vidéos, alors il regarde de la télévision, alors il fait de la cuisine et il mange beaucoup. Mange beaucoup, c'est de l'abondance. L'abondance, c'est la sécurité. L'abondance, c'est la richesse. L'abondance, c'est la fuite. Un point tel que lorsqu'on demande à une personne qui veut se conscientiser, fais trois fois le tour du bloc à la course, puis après ça, on verra. Hey, ça fait trois fois le tour du bloc à la course, elle va transpirer, elle va puer. Pas ça évoluer. Yogananda, il dit, il sentait la rose. C'est évolué. Alors, l'être humain finit par aller abdiquer devant tout ce qui lui permet d'entretenir son corps physique, d'entretenir sa conscience, d'entretenir sa vie. Et il met tout son temps dans l'oblitération mentale, dans le désennui, dans l'alimentation de son âme, dans la perte de temps. Alors, il travaille souvent comme un peu trop. Un grand livre épais, la cosmogonie d'Urantia. Ils ont tourné autour pendant des mois, au prix qu'ils se vendent. Ils l'ont feuilleté puis ils n'ont rien compris. Fait qu'acheter ça, acheter de l'incompréhension. Et plusieurs l'ont acheté, ça a grossi leur bibliothèque. Ils l'ont placé avec tous les autres livres qu'ils avaient achetés, dans le but de se conscientiser, mais la réalité, c'était dans le but d'avoir une collection. Certains s'étaient inscrits aux collections Robert Laffont, livres noirs. Et ils ont rempli leur bibliothèque, ils ont lu les petites tables des matières dedans. Et ils les ont revendus après, s'ils ne les ont pas jetés ou donnés. Certains s'en servent encore pour remplir la bibliothèque. L'homme, la femme, l'enfant est totalement confiné toute sa vie. Il dit ça après son travail. Au lieu de dire une autre journée de moins à vivre, il dit, enfin, un autre de fête. Lorsque le dimanche qu'il appréhende, les dimanches plates où il s'ennuie tout le temps sont passés, ah ben, ça y est rendu quand même 10h30 du soir, ben, c'est pas payé, ça a passé vite. Le dimanche plate, il a passé vite. Un dimanche par semaine, 52 dimanches par année, ça en fait des jours au bout d'une vie qu'on était content d'avoir passé vite. Alors finalement, quand l'être humain trouve qu'il évolue lentement, combien d'heures par vie passe-t-il à se conscientiser? Certains peuvent le compter en nombre de jours et quelques-uns en nombre de semaines, habituellement presque personne en nombre d'années. Ils se sont occupés au lieu de se servir de leur vie. Le grand piège de l'évolution, la distraction, ce n'est pas le piège de culpabilité. C'est qu'on n'est pas sur la planète Terre juste pour charrier notre graisse, notre muscle, nos os. On n'est pas sur la planète Terre juste pour bouffer puis aller excréter. On n'est pas ici juste pour gueuler, chialer, avoir des idées, les défendre puis les oublier deux ans après. On n'est pas ici pour voter. On n'est pas ici pour ramasser du fric. On n'est pas ici pour pousser une automobile l'hiver dans la neige. On n'est pas ici pour se faire bronzer le corps tous les années au soleil de façon à faire à gagner la course du cancer de la peau. On n'est pas ici pour prendre des médicaments. On n'est pas ici non plus pour lire. À quoi sert la vie si la vie sert à passer le temps? Le grand piège de l'évolution, c'est que nous passons notre temps à nous distraire. Nous devons nous occuper. Parce que si l'âme ne s'occupe pas, elle saura. Et l'âme ne veut pas savoir, parce que l'âme, lorsqu'elle saura qu'elle est une copie de l'esprit, une copie de l'intelligence, une très mauvaise copie. Et l'intelligence est à nos portes. Alors l'âme qui va s'éveiller va savoir non seulement qu'elle est une copie, mais qu'en plus qu'elle devra laisser les guides. Et elle en a peur. Elle n'en a pas parce que l'âme est expérientielle. Elle doit expérimenter pour connaître. L'âme apprend. N'ayant jamais expérimenté le contact avec l'esprit, ce contact est neuf, inconnu. Nécessairement, l'âme a peur. Ayant peur, l'âme lutte et résiste. La meilleure façon de résister, démolir le corps physique, la génétique physique est le critère primordial pour un contact avec l'esprit. C'est pas la belle âme, c'est le corps physique qui est la condition primordiale. Je ne parle pas de votre poids, je parle de votre système neuronique et de votre système endocrinien. Le reste, ça s'arrangera toujours en temps et lieu. Mais lorsque l'on se distrait, on oblige le cerveau à continuellement se reprogrammer en fonction d'une réalimentation amique. Réalimenter l'âme, engendrer des habitudes. Toute forme d'habitude est une petite mort. C'est la mort de l'esprit, c'est la mort du mental, c'est l'oblitérateur de la conscience. Toute forme d'habitude est une répétition. Toute forme de répétition n'a pas besoin de conscience pour être accomplie. Toutes les habitudes faites par l'homme seraient faites même si l'homme n'avait pas de conscience, parce que toutes les habitudes sont faites quand la conscience n'est pas là. Donc, si l'évolution, si ce que nous recherchons, régler nos problèmes, lorsque l'être humain a commencé son évolution, son ascension, son réchauffement, sa conscientisation, lorsque l'humain a commencé, il ne peut pas retourner en arrière. Tout ce qu'il peut faire, c'est continuer en avant, puis souffrir au coton. Au moins, il évoluera, puis pourra maudire l'évolution. Ce sera une espèce de récompense pour l'ego. L'être humain qui est intelligent, l'être humain qui comprend ce que je dis ce soir, lui décidera de bannir les habitudes. Il fera une liste et il la regardera régulièrement, consciemment pour ne pas que le regard de la liste devienne une habitude. Et il rayera ce qu'il éliminera. Il travaillera sur une à la fois. Ne pas trop attaquer l'ego en même temps, parce que c'est sûr qu'on va perdre. Alors la personne intelligente, elle prend sa vie en main. Prendre sa vie en main veut dire ne pas la laisser assujettie à l'inconscience. Quelle est la couleur de vos bas? Plusieurs ne le savent pas. L'habitude a mis les bas. Combien de bas sont à l'envers? Mes souliers sont à l'endroit. Combien de choses dans la journée avons-nous faites? Et combien de fois nous demandons-nous si nous l'avons faite? Combien de fois cherchons-nous nos clés? Ou notre linge, ou d'autres choses. Combien de fois avons-nous pris des résolutions et on les a laissées tomber, trop occupés à se distraire pour y penser? Combien de fois faisons-nous des choses par assujettissement collectif? On se fait convaincre d'y aller, tu vois, ou de le faire. Combien de temps par jour occupons-nous notre vie à nous oublier nous-mêmes? Lire un roman, écouter une émission de télévision, rien faire, et faire même bien des choses. Le bonhomme s'ennuie, bien, il sort la tondeuse, puis il recoupe le gazon. Les oiseaux le savent. Savez-vous comment les oiseaux savent que le printemps est arrivé? Ils entendent le chant des tondeuses. Alors, si notre vie est exclusivement une immense perte de temps, dans laquelle nous devons nous dire autant profiter pendant que c'est le temps, ça sert à quoi d'en profiter pendant que c'est le temps? Tout le passé en arrière de vous, vous en avez profité pendant que c'est le temps, ça vous sert à quoi aujourd'hui? Ça ne sert à rien. Oh, j'ai quand même des bons souvenirs des chutes du Niagara. Ouais, c'est beau. Puis ça te sert à quoi? Bah, de temps en temps, je nostalgise dessus. Quand je m'ennuie, ben, je me cote la tête, puis là, je me retourne dans les chutes. Ouais, c'est ce que je dis, perdre sa vie. On doit toujours mettre son énergie là où ça rapporte. C'est la clé, c'est la solution au piège. dans 10 ans d'ici, ce que vous aurez mis à partir de maintenant et qui restera encore là dans 10 ans, vous sera servi. Tout le reste aura été une perte de vie. Une perte d'énergie, une perte de temps, une perte d'argent, une perte de vie. Simple. On doit occuper sa vie à vivre consciemment. Pas à vivre inconsciemment. Vivre inconsciemment, c'est perdre sa vie. Ce n'est pas vous qui la vivez, c'est votre ego, c'est votre âme, c'est les mémoires, c'est le passé. Ce qui a vécu veut continuer à vivre chez vous, alors il vous obitère. Il obnubile complètement votre conscience et il vit à votre place. Excuse-moi, je me suis laissé emporter. Par qui? On doit bâtir une structure. On est programmé à oublier. Ah oui, mais j'ai oublié. C'est ça, programmé. C'est une habitude d'oubli. Une merveilleuse habitude. Qui fait que finalement, le peu de conscience qu'on a quotidiennement, ben, il ne sert pas à grand-chose parce qu'on l'oublie, on perd le contact. On se rappelle plutôt pourquoi on a commencé à la faire. Lorsque je donnais des séminaires à cette organisation, j'expliquais bien aux gens que quand vous commencez quelque chose, normalement, votre conscience, elle est là et elle sait pourquoi vous commencez. Et bien souvent, l'être humain abandonne juste parce qu'il ne sait pas pourquoi il devrait continuer. Il avait une raison intelligente de commencer, mais il n'a jamais une raison intelligente d'abandonner. Il abandonne. Alors, je disais aux gens, lorsque vous avez des raisons intelligentes d'abandonner, abandonnez. Lorsque c'est juste parce que vous ne savez plus trop, lâchez pas. Vous êtes en train de vous faire avoir. La personne, elle commence le jogging. Alors, elle a lu là-dessus, ben, elle a vu qu'elle avait des muscles un peu flasques. Alors, elle commence à faire du jogging. Elle s'équipe un peu. C'est une forme de connectivisme, mais ça a un avantage, ça va la mettre en santé. Elle commence à courir. Elle court, puis après 2-3 semaines, bien là, elle ne se rappelle plus, là, pourquoi elle court. Tous les matins, même, sortir à 6 heures, aller puer dehors, puis revenir après. Tu sais, franchement, t'es en forme, là, je suis correct, je me suis replacé, là. Elle n'a aucune raison intelligente d'arrêter, mais elle va arrêter. Elle en avait une pour commencer, on n'en a jamais pour arrêter. Quand vous avez fait un choix de quelque chose, vous avez des raisons. Quand vous avez abandonné, c'est quand? La majorité ne savent même pas quand, parce qu'ils ne s'en sont même pas rendus compte. Et l'autre majorité, ben, ils peuvent peut-être dire un peu quand, mais la raison intelligente, elle n'est pas là. Il n'y a aucune raison de conscience d'arrêt. Mais il y en a pour commencer. Commencer un régime, et finalement, on lâche. On lâche à bout de souffle. On lâche parce qu'on oubliait. On lâche parce que finalement, la raison intelligente, puis finalement, tu sais. Il faut apprendre à s'accepter tel qu'on est. Maudite belle raison. On va en trouver. Mais il se trouve que quand la personne a commencé son régime, elle avait d'autres raisons. Des raisons qui étaient intelligentes dans la majorité des cas et qui ont été omnibulées par la suite. À cause que la personne s'est trop distraite. La personne, elle dit, je m'inscris à tel cours, m'apprendre à faire de la comptabilité ou m'apprendre à faire ceci, m'apprendre à faire cela. Est-ce qu'elle va aboutir? Elle a les raisons intelligentes de commencer. Entre-temps, elle va les perdre. Et il y a des chances qu'elle ne sache même plus pourquoi elle continue. Nous distraire. Toute notre vie est basée là-dessus. Toute la société est basée là-dessus. Qu'est-ce qui se vend le plus? La distraction. La femme qui prend plus de 15 minutes à s'organiser le visage devant le miroir. Cumulons le temps pris et additionnons-le. Vous verrez qu'après 25 ans de maquillage, ça commence à faire de la vie, ça. Mon Dieu, donnez-moi 25 ans de plus, je veux continuer à me maquiller. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut immédiatement prendre conscience que de toute manière, le mieux qui peut nous arriver, c'est que nous comprenions. Le pire va quand même nous amener aux mêmes déboires, aux mêmes souffrances, aux mêmes espoirs. Ça fait des millions d'années que l'être humain évolue, disons des milliers pour ceux qui préfèrent parler à partir du Nazaréen, mais l'humanité n'a pas changé et elle ne changera pas tant que les corps physiques ne seront pas capables de supporter de l'esprit. Et pour cela, l'esprit passe et mute le corps physique, sauf que la conscience n'est pas tellement atteinte parce que la conscience est totalement engloutie dans la distraction. On passe notre temps et on s'occupe, on s'amuse, on se distrait. Mais regardons la vie d'une autre façon. Vous allez camper dans le bois cet été. Vous mourrez. Vous perdez votre temps. Moi, je vais camper dans le bois cet été. Je ne perds pas mon temps. Vous allez jouer au soccer. Perdez votre temps. Moi, je vais jouer. Je ne perds pas mon temps. Vous lisez un livre, perdez peut-être votre temps. Je lis le même livre, je ne perds pas mon temps. Vous venez à une conférence, vous perdez peut-être votre temps. Je viens en faire une, je ne perds pas mon temps. Vous travaillez, vous gagnez de l'argent, vous perdez peut-être votre vie. Je travaille, je gagne de l'argent, je ne perds pas ma vie. Vous faites un massage, vous en faites faire un, vous perdez votre temps. Moi, je ne perds pas le mien. C'est quoi la nuance? Vous allez voir un film, je vais voir un film. Vous perdez votre temps, je ne perds pas mon temps. La nuance est simplement dans la conscience de l'acte. Savez-vous ce que vous faites? Est-ce que c'est vous qui le faites? Quand je joue au soccer, j'entretiens mon corps physique. Quand vous jouez au soccer, vous vous occupez. Quand je vais camper, j'entretiens mon corps vital et mon corps physique. Je relaxe ma psychologie pour qu'elle me laisse un peu plus en paix. Et je fais autre chose. J'observe. Je me conscientise. Je vois un lac. Je peux nager. La majorité des campeurs vont s'occuper, vont profiter de l'été. Toute une gang de profiteurs. Je fais du ski. J'observe les réactions réflexes de mon corps. J'améliore la technique. Les autres, ils s'occupent, ils paradent, ils perdent leur vie. Alors, ça ne veut pas dire que l'être humain qui évolue du jour au lendemain devient un extraterrestre. Il se promène en marchant lentement avec des actes réflexes, puis là, il ne s'occupe plus jamais. Il évolue. Quand il voit un oiseau, bien, il évolue. Quand il voit une fille, il évolue. Quand il voit un gars, il évolue. Il analyse tout. Son ordinateur, manipulé, niaiseux. Con, imbécile. Non. Beaucoup ont pensé que l'évolution, c'était s'acheter un livre sur le végétarisme. Manger des nouilles. D'autres ont pensé que l'évolution, c'était respirer. À Montréal. Il fait juste s'intoxiquer plus vite que les autres. L'air est pollué. D'autres ont pensé, relaxation, coucher dans leur lit, relax. Mettre tout le monde de la maison dehors pour relaxer mieux. Parce que les autres les énervent. Puis plus ils relaxent, plus on les énerve si on fait du bruit. D'autres, l'évolution, c'est mettre au moins 300 pièces dans la librairie ésotérique du coin par mois. Il y a fait des livres. À un moment donné, il y en a qui viennent me voir, qui disent « Là, je suis perdu, là, je ne comprends plus rien. » Je demande « Qu'est-ce que tu as lu? » Ben, j'ai lu « Le Grade », j'ai lu Alice Bailey, j'ai lu Papus, après ça, j'ai lu Chris Haddad, après ça, j'ai lu Daniel Kemp, après ça, j'ai lu Aurobindo, après ça, j'ai lu « L'Obs, ça me rend pas », après ça, j'ai lu « Mère, machin. » Ben, tu devrais au moins comprendre qu'il y a beaucoup d'illusions dans l'air. Faire une chose en sachant ce que l'on fait. Le corps physique doit être entretenu. Faites donc du sport consciemment, pas pour vous distraire. L'ego, il prendra de toute façon ce qu'il a besoin. Mais votre conscience va grandir et elle va commencer à prendre la place qu'elle a besoin de prendre. C'est la même vie, à une nuance près. Quand vous campez, vous saurez que vous campez. Les autres ne savent pas, les autres. Je donne des cours prochainement, dans le bois. Il y en a un qui me demande, « Oui, mais on va camper, mais là, qu'est-ce qu'il faut l'amener? Faut-tu amener un poêle? Faut-tu amener... » Je dis, « C'est ça, ouais. Tu marches 2 jours de temps dans le bois avec 450 livres de bébelles sur le dos. Oui, dans le bois, il faut un poêle. Les Indiens avaient des poêles, c'est connu. Il y en a un qui me demande, oui, mais y a-t-il de l'électricité? Ça dépend si tu amènes une lampe de poche. Il va en avoir. 1,5 volts. Puis c'est quand on me demande, moi, les toilettes, ben, je leur réponds, les plus grandes toilettes du monde. Mais partout, sauf dans le chemin. Parce que la nuit, il y en a qui ont peur, hein? Ils sortent pas loin. Puis le matin, ce qui est comique, c'est que c'est personne. C'est peut-être un ours. Un ours, ça pue pas comme l'homme. Ça mange bien, un ours. Puis il y en a qui prennent des pilules, des constipants. Ouais, ça règle le problème. Moi, ce que j'aime, c'est quand ils sont rendus dans le bois et qu'ils viennent me voir. T'as-tu du papier de toilette? Non. Ben, j'ai pas pensé à ça. C'est ça. Il faut quasiment que je leur dise aussi de faire leurs besoins, pas d'une côte. En tout cas, s'ils font d'une côte, ils les font en bas de la côte. J'ai déjà voyagé avec Jean-Marc Chaput, vous connaissez peut-être, c'est un humoriste. On était au Guatemala, puis après à ses dépens, il était avec une autre personne, puis à un moment donné, ils sont allés visiter une cafétale, plantation de café, c'est en pente. Et puis là, il a appris bien des choses. Il me contait ça après, il dit, les cours de physique, les jeunes disent, ça sert à rien, hein, mais la gravité en bas d'une côte, ça marche. À un moment donné, il a eu le va-vite, il a demandé à son chum, t'as-tu du papier? L'autre, il avait juste son papier d'aluminium de son carton de cigarette. Fait qu'il a dit, j'ai juste ça. Il s'est essayé, sauf qu'il s'est placé le devant en bas de la côte. Ça a tout coulé dans ses culottes. L'humain sort de la ville. Moi, j'adore donner des cours dans le bois. C'est plaisant, c'est le fun. Emmerdant. Ce qui est comique surtout, c'est que quand tu es dans ta tente et que tu vois quelqu'un courir dehors, parce qu'il y a deux mouches à chevreuil après lui. Puis c'est pas quoi faire. C'est évolué, l'humain. Il y en a beaucoup qui vont camper et qui ne savent pas qu'ils campent. De toute façon, quand tu passes à côté, tu ne le sais pas non plus, ils sont toujours dedans le tente. Tu sais pas qu'ils campent. Les terrains de camping sur le bord des autoroutes. Et c'est écrit « toute commodité ». Moi, j'étais plus économique. Au lieu de déménager la maison en campagne, je mettais des cartes devant les fenêtres. C'était la même chose, tant qu'à avoir la toilette, la télévision, le micro-ondes. Je faisais juste mettre des cartes, puis là, il y a des paysages différents. Puis là, j'étais dans le terrain de camping. Proche du cinéma, proche de la piscine, puis proche de plein de monde. Puis l'été, ça sent le même barbecue partout à Montréal que sur le terrain de camping, c'est pareil. Puis ils font les mêmes parties. La nuance, vivre. Qu'est-ce que c'est la nuance, vivre? Vous inscrivez à un cours que je donne, par exemple, et on s'en va faire de l'équitation parce que vous devez apprendre à exprimer votre psychologie dans le cheval. Le cheval va vous copier tellement bien qu'un cheval qui est imbécile, on sait tout de suite le genre d'égo qui est dessus. J'ai donné des cours où on avait des chevaux parfaits, puis quand d'autres personnes montaient dessus, ces chevaux-là étaient absolument abominables. Les personnes, ils laissent plaindre de leur cheval. Il n'y avait rien à faire, change de cheval. Si tu ne changes pas de cavalier, le cheval redevient le même. Et là, à un moment donné, imaginons que vous êtes dans ce cours-là, vous tombez en bas de votre cheval et vous vous cassez une jambe. Qu'est-ce que la majorité vont faire? Bien, ils vont poursuivre le centre. Ils vont poursuivre l'écurie. Pas poursuivre le cheval, ils vont poursuivre l'écurie. Ils sont brisés une jambe. C'est la faute à qui? Les mêmes personnes s'en vont en automobile, ont un accident et ils se brisent une jambe. Poursuivent personne. Les mêmes personnes sont chez eux, déboulent l'escalier chez eux, se cassent une jambe. Pour six personnes. Les mêmes personnes décident de faire du ski dans le bois sans surveillance, une piste, puis se cassent une jambe. Pour six personnes. Vu qu'il n'y a pas de conscience dans l'humain, quand il peut poursuivre, il poursuit. On profite. Sauf que sa jambe, elle y appartient, c'est lui qui l'a cassée. Mais étant donné que l'être humain s'occupe et se distrait, bien, le temps qu'il va vouloir poursuivre, l'endroit où il allait évoluer, il n'évolue plus, ça l'occupe. Notre corps physique, on peut le blesser. On doit le risquer de temps en temps. Ça le renforcit. Ça renforcit aussi notre psychologie qui nous permet de faire de plus en plus de choses nouvelles, neuves. On peut maintenant goûter à la vie. J'ai voyagé dans différentes jungles. Le dernier voyage que j'ai fait, c'était en Amazonie. Et nécessairement, il y a eu des risques. Et les personnes qui étaient avec moi savaient. Mais maintenant, elles sont toujours vivantes. Mais plus vivantes un peu. La solution, c'est de continuer à faire ce que nous faisons, sauf que, étant donné qu'on va mettre de la conscience dans ce que l'on va faire, nécessairement, tout ce qui est imbécile, on va le voir. Et ça, c'est un problème pour l'ego. Parce qu'on va voir tout ce qui est imbécile. Et il y aura un problème. Quand on va arriver à conserver, à organiser notre temps, il va rester du temps libre en mots, t'as dit. Et là, on va dire, oui, mais là, c'est plate. Mais c'est le temps d'occuper le reste du temps avec de la conscience. Faire un budget d'argent, c'est très intéressant. Faire un budget de temps, c'est mieux. Le temps, c'est de l'argent, soit. Mais l'argent, on la met en banque. Le temps, on ne peut pas le mettre en banque. Mettez 30 années de votre vie en banque. À un moment donné, vous allez aller frapper à la banque, vous allez dire, je les veux. Ils vont vous dire, ben quoi? On ne peut pas mettre de temps en banque. Travailler toute sa jeunesse pour préparer sa vieillesse, c'est tout à fait stupide. On ne met pas de temps en banque. Alors, on prend l'agenda de son temps, puis on regarde combien de temps on perd par jour à rien faire, à niaiser. J'ai fait des commissions, je passais quatre fois au même magasin, je n'étais pas sûr, je suis revenu, je suis allé voir ailleurs, je suis repassé. On prend le temps de faire un organigramme de son temps. Et on va se rendre compte que l'homme nouveau a le temps, mais que l'homme ancien n'a jamais le temps, il est toujours pressé. Mais c'est lui qui s'occupe. Votre travail, il sert à quelque chose, à ramasser de l'argent. Il sert aussi à vous anégoïser. Il sert à vous mettre dans des situations particulières d'évolution. Il ne sert pas à vous occuper et il ne sert pas à vous frustrer. L'argent que l'on ramasse, il sert à nous libérer de la matière. Donc, nous nourrir, nous vêtir, nous donner des logements et nous permettre par la suite d'apprendre. On peut apprendre de deux façons. On peut aller en Floride gaspiller son argent et brûler son corps physique en idiot québécois. Et on peut aller en Floride dans le but d'apprendre à connaître une nouvelle tellurie, dans le but de visiter des choses, et même dans le but de relaxer le corps ainsi que le système nerveux, parce qu'il en a besoin. Mais lorsque l'on va en Floride pour se reposer, on ne va pas voir des vues, on ne va pas voir des hôtels, on ne va pas voir des parties, on ne prend pas de la boisson, on ne va pas toujours niaiser dans des discothèques, puis on ne va pas rencontrer d'autres Québécois. Sinon, mettez Floride sous votre porte. C'est économique, vous serez en Floride. Quand on sait qu'au Mexique, il y a des villes comme Québec-Ténango, ça c'est au Guatemala, Québec-Ténango, l'endroit où vit le Québécois. Mexique, c'est même encore Guatemala, Gringo-Ténango. Les Tabernacos, les Québécois. Puis les enfants qui sacrent, c'est leurs Tabernaquitos. Alors, on fait quoi de sa vie? Essayez d'imaginer que vous vous levez demain matin, samedi. Vous réveillez, puis là, vous vous dites, « Bon, samedi, je perds mon temps, comment? » Ouais, c'est ça, s'occuper. Combien de temps avez-vous perdu à regarder le Canadien perdre le sien? C'est intéressant. On entend en avant de la vitrine, puis on est là, « Oh, my God! » C'est ça qui se passe. Et puis là, on s'en va pisser pendant qu'eux autres, il y a un petit entraque. Et puis là, on revient. Mais qu'est-ce que vous aurez apporté les dernières victoires du Canadien, les dernières Coupes Stanley du Canadien, ça vous a rapporté quoi maintenant? Si un jour vous perdez un œil dans un accident, est-ce que les victoires de la Coupe Stanley vont vous aider à mieux supporter votre perte d'œil? Si un jour vous perdez un membre de votre famille, est-ce que, effectivement, le fait que les Nordiques aient planté les Canadiens, à un moment donné, ça va vous aider à mieux supporter votre état de vie? Si un jour il y a un apocalypse, est-ce que, honnêtement, le fait que vous allez avoir perdu tout votre temps à écouter du Mozart ou ces choses-là, ça va vous aider un peu mieux? Ou si vous n'allez pas plutôt regretter le passé et souffrir un peu plus? On fait ce que l'on veut faire. Mais on doit absolument passer par une période très pénible de transition, cesser de tomber dans le piège qui fait en sorte qu'à travers 55 ans de notre vie, on aura pris 5 ans à évoluer. On doit s'arranger pour orchestrer sa vie de façon à ce qu'elle nous apprenne égoïquement à libérer ce que nous avons pour nous permettre de vivre instantanément la vie, celle-ci. On continue à vivre lorsqu'on est conscient, mais on a un mot d'addit plaisir à vivre, parce qu'il y a une nuance. Là, on est présent quand le corps semble vivre une vie. Alors, on fait une pause, vous posez des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi, et puis on revient dans 15 à 20 minutes.